السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله في الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque parmi vous voit un mal, qu'il le change, qu'il le corrige par sa main, s'il ne peut pas, par sa langue, s'il ne peut pas, par son cœur. Et cela est le plus faible de la foi. Rapporté par Muslim. Le noble shaykh Abdel Mohsin al-Abbad, hafizahullah, nous dit en commentaire de ce hadith: ce hadith contient les différents degrés par lesquels se fait le blâme des mauvaises choses, c'est-à-dire des choses qui sont blâmables. Et que celui qui a la capacité de changer le mal par sa main, alors il lui incombe de le faire. Et cela se fait par le gouverneur ou ses remplaçants dans ce qui concerne les gouvernances générales. Et cela se fait aussi par le propriétaire de la maison envers les gens qui sont sous son toit, sa famille, dans ce qui concerne les gouvernances particulières. Puis nous dit, rahimahullah, et s'il ne fait pas partie des gens aptes à changer le mal par la main, alors il passe au changement par la langue, au fait de corriger le mal par la langue, dans le cas où il en est capable. Et s'il n'en est pas capable, alors il reste le fait de changer, de blâmer ce mal par le cœur. Et cela est le plus bas de la foi. Et le fait de changer, de blâmer le mal par le cœur, se fait par le fait de détester ce mal et que le cœur soit impacté à cause de cela. Puis nous dit, hafidhahullah, et il n'y a pas de contradiction entre ce qui est cité dans ce hadith comme ordre de changer, de blâmer le mal, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset: ô vous qui avez cru, vous êtes responsable de vous-même, ne vous nuira pas celui qui s'égare si vous êtes bien guidé. Surat al-Ma'idah, verset numéro 10. Il nous dit donc, hafidahullah, le sens de cela est que si jamais vous accomplissez ce qui vous est demandé comme ordre du convenable et interdiction de ce qui est blâmable, vous aurez alors certes accompli ce qu'il vous incombe. Et ne vous nuira pas, après cela, l'égarement de celui qui s'égare, si vous êtes, vous, bien guidé. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc, le sens de ce verset n'est pas que la personne délaisse le fait d'ordonner le bien ou d'interdire le mal sous prétexte qu'elle ne l'accomplit pas, elle. Mais le sens est que si jamais cette personne a ordonné le bien et interdit le mal, alors ne lui nuira pas l'égarement de ceux qui s'égarent après cela, de ceux qui n'accomplissent pas le bien et ne délaissent pas le mal qu'elle a interdit. Donc, dans tous les cas, la personne se doit de renier le blâmable, de l'interdire, de le blâmer, de le changer selon sa capacité. Par sa main, s'il est apte à faire cela, par sa langue, s'il en a la capacité, ou par le cœur, qui est le plus bas degré, qui est le plus bas, le plus faible de la foi. Et parmi les points importants à savoir à ce sujet, il est que la personne ne peut pas prétendre détester un mal par son cœur tout en restant dans le lieu où se passe, où se produit ce mal, alors qu'elle n'est pas contrainte à rester. Mais si la personne déteste vraiment ce mal qui se produit, elle doit le blâmer par sa langue, si elle en a la capacité, ou bien quitter le lieu où se trouve ce mal jusqu'à ce que ce mal disparaisse de ce lieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا أَوْ يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset: Il vous a été révélé dans le livre que si vous entendez les versets d'Allah être mécrus ou moqués, ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils s'engagent dans une autre conversation. Vous êtes sinon comme eux. Surat An-Nisa, verset numéro 140. Et nous dit aussi subhanahu wa ta'ala: Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: Gardez-vous d'une épreuve qui n'afflige pas que ceux d'entre vous qui ont particulièrement fait du tort. Et sachez qu'Allah est sévère en punition. Sourate Al-Anfal, verset numéro 25. Donc, que le musulman prenne garde et craigne une épreuve, une tentation, qui ne va pas toucher seulement celui qui a fait du mal, mais qui touchera ceux qui seront autour de lui dans le cas où ils n'ont pas interdit le mal ou ordonné le bien. Donc, la personne qui se trouve dans une assise dans laquelle se trouve un mal, ou une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et qu'il déteste subhanahu wa ta'ala, se doit de blâmer cela, si elle en a la capacité, par sa langue, ou bien de quitter cette assise. Hatta yakhudu fi hadithin ghayri, jusqu'à ce qu'il s'engage dans une autre discussion, kama qala subhanahu wa ta'ala. Cela par peur d'être châtié avec ces gens ou d'avoir le même jugement que ces gens-là dans le mal qu'ils accomplissent, comme le montrent les versets cités précédemment et d'autres preuves dans le Coran, comme cela le récit de certains hypocrites qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lors d'une bataille ont blâmé et ont insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un des compagnons qui était présent s'est levé et s'est empressé de dire à cet hypocrite: Bal kadhabta, tu as certes menti, et je vais aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter ce que tu as dit. Et lorsque ce compagnon est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà fait descendre un verset pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'avaient dit ces hypocrites. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dit: Est-ce d'Allah et de ses signes et de son prophète que vous vous moquez? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ne demandez pas pardon, ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après votre foi. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: vous avez certes mécru, alors que les propos sont venus d'une seule personne, car ceux qui étaient autour n'ont pas blâmé cela et ont été d'accord avec ce qu'il a dit. Donc la personne qui est dans un endroit où les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala sont mécrus ou sont pris en raillerie, c'est-à-dire que les gens vont désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala de manière ouverte, se doit de blâmer cela, ou au minimum, si jamais elle n'est pas contrainte à rester dans cette assise, se doit de quitter ce lieu-là, qui sera une preuve qui montre qu'elle a renié ce mal avec son cœur. Et parmi les points qu'il faut savoir, il est que de nos jours, d'autres formes d'assises sont apparues, qui sont à travers les réseaux sociaux, à travers les chaînes de télévision ou autres. Donc celui qui, lors de ses assises, même s'il est loin de ces personnes, est en réalité avec la même assise, celui qui est face à cela, celui qui écoute cela, qui regarde des gens accomplir des choses qu'Allah a interdites, des choses qu'Allah déteste, que cela soit de la mécréance, de l'hypocrisie ou autre, comme le fait de se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala, se moquer de la religion ou autre. Donc la personne qui assiste à cela se rappelle des versets qui ont été cités précédemment, afin qu'elle prenne garde à ne pas tomber sous le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, en restant dans ses assises, sans blâmer ce qui se trouve, ou sans quitter le lieu dans lequel ce mal se trouve. Le noble cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah nous dit, en commentaire du hadith, ceci est un énorme hadith dans lequel se trouve la manière d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et il montre que le mal ne doit pas être délaissé sans être blâmé, ne serait-ce par le cœur. Et si la personne blâme le mal par son cœur, alors elle s'écarte de ses adeptes et ne se mélange pas à eux et ne côtoie pas leurs assises. Quant à la personne qui se mélange à eux, côtoie leurs assises, mange et boit avec eux et dit « Je renie cela avec mon cœur », alors cela n'est pas vrai. S'il reniait réellement cela par son cœur, il se serait éloigné d'eux pour ne pas être pris ou atteint par ce qui les a atteints, et pour leur faire ressentir qu'il n'est pas en accord avec eux sur quoi ils sont. Et si par contre ils s'assoient, mangent et boivent et rigolent avec eux, alors ils comprendront qu'il est en accord avec eux sur cela. Intaha kalamuhu, hafidhahullah. Puis, parmi les masaïl de ce hadith, le fait qu'il soit une preuve, une des preuves montrant que les œuvres, l'amal, font partie de la foi. Et qu'elle est une croyance par le cœur, ainsi que des paroles par la langue, et des œuvres par les membres. Comme cela est la croyance des gens de la sunna. Et qu'elle augmente avec l'obéissance, et qu'elle diminue par la désobéissance. Comme dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, et cela est les plus faibles de la foi. Et les preuves à ce sujet sont nombreuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, certes, le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Donc les croyants sont différents dans leur foi. Certains ont une foi élevée, une foi haute, d'autres une foi qui sera faible et d'autres une foi qui sera intermédiaire. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.